بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le 16e cours dans l'explication du chapitre du mariage tiré de Manhaj al-Salikin de l'imam al-Sa'di rahimahullah. L'auteur qui dit Babu al-Shuruti fin-nikah, le chapitre concernant les conditions rajoutées au mariage. وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. Et donc ce sont les conditions que chacun des époux va imposer à l'autre. Lorsque, bien entendu, ils le veulent. Il se peut que personne, aucun des deux, ne veuille rajouter des conditions au mariage. Mais si il y en a qui veulent rajouter des conditions au mariage, alors là, on rentre dans le chapitre qu'on voit, ou du moins le sous-chapitre qu'on voit aujourd'hui. On a vu précédemment les conditions du mariage, et maintenant les conditions rajoutées au mariage. Quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, premièrement déjà, les conditions du mariage, c'est le législateur, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui définit les conditions du mariage. Les conditions rajoutées au mariage, ce sont des conditions qui vont être déterminées par les deux époux. Concernant les conditions du mariage, c'est elles qui vont déterminer la validité du mariage ou pas. C'est-à-dire que si il y a une des conditions du mariage qui n'est pas valable, qui n'est pas présente du moins, le mariage n'est pas valable. Par contre, les conditions rajoutées au mariage, non. C'est-à-dire que si une des conditions rajoutées au mariage n'est pas présente, n'est pas respectée, le mariage reste valable. Le mariage reste valable. Par contre, celui qui a imposé cette charte, qui a imposé cette condition, qui a demandé cette condition, qui n'a pas été respectée, là, il a le droit, après, d'annuler le mariage ou pas. Les conditions du mariage, on ne peut pas donc les mettre de côté, on ne peut pas les ignorer. Il est obligatoire que toutes les conditions du mariage soient respectées. Par contre, les conditions rajoutées au mariage, il se peut que après, au bout d'un moment, ou même au début du mariage, il se peut qu'un des deux époux fasse... décide d'annuler cette condition qu'il avait imposée. Un des deux époux avait imposé une condition. Cette condition a été acceptée. Et ensuite, après le mariage, il décide d'annuler cette condition. C'est possible. Par contre, les conditions du mariage, je ne parle pas des conditions rajoutées au mariage, les conditions du mariage, celles-ci, il est impossible de les annuler. Et donc, au cher Barakallahu fikoum, premièrement, en commençant donc ce sous-chapitre, il est important de savoir qu'il est important, obligatoire, de respecter toutes les conditions. Ya ayyuhallazina amanu, aufu bil'uqud. Oh, vous qui avez cru, respectez les engagements. Et particulièrement les conditions du mariage. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil respectif, d'après Al-Qama, ou du moins d'après Uqba ibn Amir radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les conditions qui sont plus en droit d'être respectées, ce sont les conditions qui ont entraîné qui ont entraîné pour vous la licéité des rapports intimes. Et donc des conditions qui ont entraîné que les rapports vous sont devenus licites. Ces conditions-là sont des conditions qui sont plus en droit d'être respectées. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, wahiya qismen. Et donc ces conditions-là, les conditions qu'on rajoute au mariage, se divisent en deux. Le premier groupe, sahihun. Le premier groupe, ce sont des conditions qui vont être correctes. Parce qu'il y a des conditions, là on a dit que les conditions, ce sont les conditions rajoutées au mariage, ce sont des deux époux qui les rajoutent. Il se peut que ce soit des conditions qui soient correctes, et il se peut que ce soit des conditions qui ne soient pas correctes, puisque ce sont des êtres humains. Et donc, le premier groupe qu'on va voir, les conditions qui sont correctes. Il nous dit l'auteur, rahimahullah, « Kashtirati an la yatazawwaja alayha » ولا يخرجها من دارها او بلدها او زياره مهر او نفقه او نحو ذلك فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه. Et donc il nous dit l'auteur, rahimahullah, donc première condition, le premier groupe, ce sont des conditions qui sont correctes, comme le fait que la femme, elle mette en condition que le mari ne prenne pas de deuxième épouse. Et donc ils sont dans un pays musulman, hein, et elle sait que s'il veut, et donc il peut prendre une deuxième épouse, alors elle lui dit dès le début, avant le mariage, elle lui dit, moi, je n'arrive pas à supporter ça, je mets en condition que tu ne prennes pas de deuxième épouse. C'est ma condition, si tu veux te marier avec moi. Ou alors le fait qu'elle met en condition qu'il ne la fasse pas sortir de sa maison. Elle dit, moi, ma maison, c'est celle-ci. On peut se marier, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ma condition, c'est que je reste dans ma maison. On va pas vivre chez toi là-bas. Ou alors qu'elle met en condition qu'il ne la fasse pas sortir de son pays. Je reste dans mon pays. Elle met en condition le fait qu'il rajoute une dot. Elle met en condition le fait qu'il rajoute des dépenses ou autre que cela. Le cheikh qui nous dit, rahimahullah, toutes ces conditions-là rentrent dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, les conditions qui sont plus en droit d'être respectées sont les conditions qui ont entraîné la licéité des rapports muttafaqun alayhi rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Taïeb. Donc nous, en commentaire de cela, on va dire, Inch'Allah, en ce qui concerne le fait que la femme, donc, mette en condition que le mari ne prenne pas de deuxième épouse. Alors, cette condition-là, effectivement, elle est correcte. Elle est sahih, elle est acceptable. Et si l'époux ne respecte pas cette condition et qu'il va prendre une deuxième épouse, alors là, cette femme-là, elle a le choix d'annuler le mariage ou pas. Pourquoi ? Parce que elle s'est mariée avec lui, avec cette condition. S'il n'y avait pas cette condition qui avait été acceptée au début du mariage, elle ne se serait pas mariée avec lui. Et donc là, maintenant, elle a le choix de continuer ou d'arrêter là. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, ainsi que d'autres, eux, ils voient que, malgré cette condition, le mariage, il est toujours valable. Mais par contre, cette condition-là, elle n'est pas valable. Et qu'elle est annulée, et que le mari ne prend pas compte de cette condition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un homme veut se marier avec une femme. La femme, elle lui dit, je mets en condition que tu ne prends pas de deuxième épouse. L'homme, il négocie. Au final, elle dit, non. Moi, c'est ma condition, un point, c'est tout. Alors, l'homme, il accepte. Il accepte cette condition, mais pour lui, c'est pas une condition qu'on prend en compte. Ok, d'accord, je t'ai dit, oui, on accepte la condition, mais je la prends pas en compte. Pourquoi ? Quels sont les arguments ici ? Et donc, Ils disent, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, al muslimuna ala shurutihim illa shartan harrama halalan ou ahalla haraman. Qalu, et donc ces savants là ils ont dit, et cette condition là qui a été imposée, donc excusez-moi, j'ai pas traduit le hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, les musulmans doivent respecter leurs conditions. Les musulmans doivent respecter leurs conditions, remplir les engagements. Sauf une condition qui va interdire quelque chose de licite. Ou une condition qui va rendre permis quelque chose d'interdit. Et donc ces savants-là, ils disent, lorsqu'ils utilisent ce hadith, ils disent ici, cette condition-là, elle interdit quelque chose de licite. Puisque Allah l'a permis à l'homme. Et les autres savants vont répondre en disant, non, cette condition-là n'interdit pas quelque chose de licite. Puisque la femme, elle ne dit pas c'est interdit. Elle lui a pas dit c'est interdit. Elle lui dit, moi, je ne supporte pas. Si tu veux faire ça, va faire ça avec une autre. C'est pas interdit. Tu vas le faire avec une autre. Mais par contre, pas avec moi. Si tu veux te marier avec moi, moi, ça, je l'accepte pas. Et donc, elle n'a pas dit que cette pratique est interdite. Elle a dit que elle ne le supporte pas. Et qu'elle ne veut pas. Et donc, à partir de là, elle n'a pas du tout interdit quelque chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu licite. Deuxième argument qui va être utilisé aussi, c'est comme dans Sahihain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Kullu shartin laysa fi kitabillah, fa huwa batil wa in kana mi'ata shart. » Il dit sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le Bukhari et Muslim, « Toute condition qui n'est pas dans le livre d'Allah est caduque, même si ce sont 100 conditions. » Même s'il y a 100 conditions, elles sont toutes caduques, tant qu'elles ne sont pas dans le livre d'Allah. Alors ces savants-là, ils disent, cette condition-là, elle n'est pas dans le livre d'Allah. Et la réponse, c'est tout simplement que ce qui est voulu par ce hadith, c'est toute condition qui contredit le livre d'Allah, ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est caduque. Et ici, cette femme ne contredit pas cela. Elle ne dit pas, là, elle ne dit pas que si cet homme prend une deuxième ou autre, c'est interdit. Elle dit, je ne veux pas. Ou je ne peux pas. Ou pas avec moi. Et donc, l'homme, à partir du moment où il a respecté, où il a accepté cette condition, c'est lui qui l'a accepté. À partir du moment où il a accepté cette condition, et donc, il doit la respecter. Il doit la respecter, et s'il ne la respecte pas, alors là, elle a le droit de demander, donc, l'annulation du mariage. D'ailleurs, Ali, radiallahu anhu, lorsqu'il était marié avec Fatima, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu prendre une deuxième épouse, une seconde épouse. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit de ne pas faire. Il lui a dit de ne pas faire. Car il n'aime pas ce que sa fille n'aime pas. Et Ali, radiallahu anhu, il n'a pas fait. Ali, il n'a pris plusieurs épouses qu'après la mort de Fatima. Lorsque Fatima, radiallahu anhu, elle est morte, à ce moment-là, Ali, radiallahu anhu, il a pris plusieurs épouses. Et donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas interdit quelque chose. Il lui a pas dit c'est illicite. Il ne lui a pas dit ce que c'est illicite, non. Et donc aujourd'hui, il faut bien comprendre, barakallahu fikoum, la femme qui demande, qui dit, je ne veux pas, ou je n'accepte pas, ou je n'arrive pas, ou fais ça avec une autre, pas avec moi. Cette femme-là, elle n'a pas fait quelque chose d'illicite. Elle demande comme condition au début du mariage. Elle demande comme condition. Et si l'homme, il accepte, alors il doit respecter cette condition et cet avis est le plus juste, inshallah ta'ala. Et d'ailleurs, toutes les autres conditions que l'auteur a citées, donc le fait de ne pas la faire sortir de chez elle, de ne pas la faire sortir de sa ville, etc. Si elle met ça en condition, la femme, alors la condition est valable. On a aussi, barakallahu fikoum, si l'homme, L'homme, il met en condition de ne pas dépenser pour la femme. Hein? Il dit, donc, moi, je veux bien me marier avec toi, mais par contre, je mets en condition que je ne dépense rien pour toi. Pourtant, l'homme doit dépenser pour la femme. Mais là, il a mis ça en condition. Est-ce que c'est valable ou pas? Oui, c'est valable. Si la femme, elle accepte, oui, c'est valable. Si la femme, elle accepte, oui, oui, c'est valable. Pourquoi? Parce que parfois, certaines femmes, elles peuvent vouloir se marier avec un homme par rapport à sa piété, par rapport à sa religiosité ou autre. Et celui-ci, il est pauvre. Et donc, elle va faire une concession sur le fait que celui-ci soit pauvre, mais qu'il a une bonne pratique religieuse parce que c'est ça qu'elle recherche. Et donc, elle a accepté cette condition. Et donc, ce mariage reste valable, cette condition est valable. Il n'y a pas de mal à cela, inshallah ta'ala. Et demain, on va voir, bi'idhnillah ta'ala, les conditions qui ne sont pas correctes. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa ardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Donc, on voit ça demain, inshallah ta'ala.